بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال الثامن بعد المئتين 208 question. يقول سؤال الشيخ رحمه الله تعالى أحسن الله إليك يا شيخنا، في نهاية الطابور الصباحي في المدارس يقوم الطلاب بإنشاد ما يسمى بالنشيد الوطني، فما رأيكم في هذا؟ donc il est interrogé en disant que à la fin de la file d'attente matinale dans les écoles, les élèves se tiennent debout et chantent l'hymne national du pays. Donc, qu'en pensez-vous de cela? Alors, le Cheikh a fait une longue réponse par rapport à ça, sur lequel il fait des commentaires par rapport aux paroles de cet hymne national. Et on la passera et on verra directement au conseil qu'il donne général par rapport à ce genre d'idéologie. يقول والحقيقة أن الذي ينبغي علينا هو أن نوجه شبابنا إلى التحمس للدين وليس للوطن من حيث أنه وطن. Donc il a dit en réalité ce qui nous convient de faire c'est de rentrer l'enthousiasme et l'ardeur dans le cœur de nos jeunes pour la religion et non pas pour la nation, pour la patrie, du fait qu'il est notre pays. ولهذا ترك الصحابة أوطانهم في الفتوحات الإسلامية وذهبوا يسكنون الكوفة والبصرة والشام ومصر لأن وطن المسلم هو ما يستقيم به دينه. Il a dit parce que مثلاً on ne prend pas un pays parce qu'il est un pays, et c'est pour cela que les Sahaba ont délaissé leur pays lorsqu'ils ont fait des conquêtes pour l'islam. Certains sont partis habiter à Al-Kufa, d'autres à Basra, d'autres au Sham, d'autres en Égypte, puis Misr. Car le pays du musulman, en réalité, c'est là où il peut appliquer sa religion. Donc il a dit, il ne faut pas justement défendre, ou plutôt éduquer nos enfants à défendre le pays, pour le pays en lui-même, sans leur faire comprendre que nous défendons notre pays, du fait que notre pays est un pays d'islam, est un pays qui, par la grâce d'Allah, le meilleur pays pour l'application de l'islam. Et là, il faisait allusion au royaume d'Arabie Saoudite. C'est une réalité. D'accord ? Quand on regarde aujourd'hui l'état des pays de façon générale, le meilleur gouvernement que l'on puisse trouver actuellement par rapport à l'islam est celui qui se trouve là-bas. Après, il y a des choses qui sont à revoir, en effet. Et nul ne nie que le pays a beaucoup changé également. Mais quoi qu'il en soit, si l'Arabie Saoudite a beaucoup changé, les autres pays autour de l'Arabie Saoudite ont aussi changé. Donc c'est parallèle. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne viendra pas à une époque sans que ce qui soit après soit pire. Donc c'est normal. Dans le sens, quand on dit c'est normal, c'est pas une chose forcément qu'on accepte, mais c'est une chose à laquelle on doit s'attendre en fait. Non. Donc là, Cheikh Al-Uthaymeen, il parle de l'Arabie Saoudite à son époque. À son époque. Non. Car depuis, il y a eu beaucoup de méfaits qui sont rentrés dans ce pays. Malheureusement, sallallahu alayhi wa sallam, hukamah. فإذا كان الإنسان يريد بوطنية أي أن وطننا وأحسن أوطان في الوقت الحاضر بالنسبة لإقامة الدين فإن أدافع عن وطني لأنه وطن الذي يطبق من أحكام الشريعة ما لا يطبقه غيره وإن كان عندنا خلل كثير فهذا لابس. Donc il a dit si la personne défend son pays du fait que son pays est considéré comme étant le meilleur pays pour l'application de l'islam, du fait que son pays l'applique mieux que autrui, bien qu'il y ait des défaillances, comme il le dit lui-même, de ce qu'ils sont à revoir, alors il n'y a pas de mal. Qui défend son pays, car son pays applique l'islam. أما مجرد الوطنية فهذه دعوة فاشلة. وكما تعلمون ضلال الدعوة للقومية العربية من قبل رؤساء سبقوا وهلكت دعوتهم. Et vous connaissez, par exemple, le simple fait d'appeler au nationalisme, cela est un appel qui est voué à l'échec. Et c'est un appel qui amène à l'égarement. Ou comme également d'appeler, مثلا, à au patriotisme arabe, à l'arabité. Une chose que beaucoup de présidents, parmi les Arabes, ont fait, et cela a coûté leur perte, a causé leur perte. الدعوة إلى القومية العربية صار لها ضجة كبيرة ودعوة عظيمة ولكن فشلت وفشلت إلى أبعد الحدود حتى العرب أنفسهم الآن ليسوا على قلب واحد بل إنهم متفككون. Donc il a dit par exemple le fait d'appeler à cette arabité, c'est un appel qui était conséquent auparavant, qui a fait beaucoup de bruit et qui était une chose importante, et malgré cela ça a fini par s'effondrer. Ça a fini à l'échec. Et ça a fini très loin, très très loin. Les Arabes eux-mêmes, aujourd'hui, ne sont plus unis. Ils sont divisés. Voilà, أَذَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْيَهُودِ وَمَعَدُوا لِلْجَمِيعِ صَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ يُصَالِحُهَا عَلَى الْإِنْفِرَادِ وَلَا يَعْبَوْا بِآخَرِينَ وَتَفَكَّكَتْ الْقَوْمِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ. Il y a tel point que même les Yahoud, les Juifs, qui à la base sont les ennemis de tous, de tous les musulmans. Aujourd'hui, certains, tu les vois, cautionner cet appel à l'arabité. Car parmi les Yahoud, certains sont des Arabes. Parmi les Yahoud, certains sont des Arabes. Donc, cela veut dire que, appeler à l'arabité, ça veut dire que tu vas faire rentrer, comme le cheikh va le dire tout à l'heure, Inch'Allah, tu vas faire rentrer des gens dans ton appel qui ne sont pas musulmans, et tu vas en exclure des gens qui, eux, sont musulmans. Du fait qu'ils ne sont pas arabes. Ça, c'est une da'wa de la jahiliya qui est fausse. قال ثم إن الدعوة القومية العربية أخرجت ملايين المسلمين من انتواء تحت لواء الإسلام أو الأمة الإسلامية على الأصح وأدخلت في القومية العربية من هم أعداء الإسلام من النصارى وغيرهم. Comme on le dit, cet appel à l'arabité a exclu beaucoup de musulmans de la communauté et a fait rentrer beaucoup d'ennemis de l'islam dans leur communauté à eux, arabes, parmi les Nansara et parmi les Yahoud. À partir du moment où tu es un arabe, tu es un des nôtres. Que tu sois un Nansarani ou un Yahoudi, si tu es un arabe, tu es un des nôtres. Et ça l'appel à l'arabité. Et ça, c'est un appel raciste. C'est un appel raciste et c'est une chose qui est de la jahiliya. ولهذا أنا أحث الموجهين الذين يوجهون الشباب إلى أن يتحمسوهم إلى الدعوة الإسلامية إلى أن يمحصوهم عفوا إلى الدعوة إلى الدعوة إلى الإسلام في الدعوة إلى الإسلام واحترامه والأخذ بتعاليمه حتى تعود الأمة الإسلامية إلى ما كانت عليه من قبل وتختز بالإسلام بإسلامها وتختز بما ورثته من شريعة الله عز وجل. Donc il a dit c'est pour cela que nous incitons ceux qui dirigent les enfants, on va dire les jeunes, à s'accrocher et à prendre de l'ardeur et on va dire de la fougue pour l'appel à l'islam et le respect de cet appel et d'apprendre les enseignements de cette religion afin que la communauté de l'islam revienne à la force sur laquelle elle était auparavant et qu'elle soit fière de sa religion et qu'elle soit fière de ce qu'elle a hérité de cette législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà yumkino an yartazu أن يعز الله قوما تركوا سبب عزتهم كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن قوم أعزنا الله بالإسلام إذ تركنا الإسلام ذهب العزة. Donc il n'est pas possible que Allah عز وجل apporte la gloire et la force à un peuple qui ont délaissé la cause justement de leur gloire. Comme l'a dit Omar رضي الله عنه, il a dit nous sommes un peuple à qui Allah a donné la force, la gloire par l'islam. Donc si jamais nous délaissons l'islam, notre puissance, notre force va partir. وهذا حقيقة فالعرب العرب الذين هم عرب خلص كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما قبله من زمن الجاهلية ومع ذلك ما انتصروا على عيلهم من الفرس والروم إلا بالإسلام. Il a dit par exemple, les purs arabes étaient présents depuis bien avant la venue du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Ils étaient déjà là. Cependant, ils n'ont connu la victoire et n'ont pris le dessus sur les ennemis parmi les Romains et parmi les Perses, si ce n'est que après être entrés en islam. Et non pas pour leur arabité. Non. Et cela est valable pour toute ethnie. Là, il parle de l'arabité. C'est pareil pour ceux qui appellent par rapport aux blancs, d'autres qui appellent par rapport aux noirs, d'autres qui appellent par rapport à leur pays en particulier, arabe ou pas arabe. à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie, le Sénégal, je parle des pays d'islam, hein, bien sûr. Chacun appelle à son pays, porte le drapeau de son pays, mais quelle chose a élevé ton pays pour que tu l'aimes autant? Si ce n'est pas pour l'islam qui s'y trouve, ton amour ne servira à rien du tout. Car beaucoup, ils ont ça. Tu les vois appeler si tu n'es pas de tel pays ou les gens de tel pays sont les meilleurs. Ils sont meilleurs en quoi? La seule chose qui va te rendre meilleur, c'est ta taqwa. C'est ton islam. Donc, être fier dans ton pays, ce pays-là applique bien l'islam, alors tu peux être fier du pays. Par rapport à l'islam. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a aucune fierté à avoir. Non. Au contraire. Il faut conseiller, diriger et appeler à l'islam afin que le pays s'améliore. Hadha alladhi yaqana al-yumna ala as-su'al wa alhamdulillahi.